brûlant. Je vole au-dessus des gens, au large du Cap Griney. Je me sens planer. Ça me fait rigoler. C'est un bel été, à quoi bon migrer? C'est un bel été vers d'autres contrées. Comme un oiseau de nuit dans un très vieux chêne, je pousse mes cris car l'approche des villes me gêne. La terre comme une forêt, sans la moindre trace de pied. Là je me sens rêver. C'est un bel été, le ciel est apaisé. C'est un bel été, à quoi bon migrer? C'est un bel été. C'est un bel été, le ciel est dégagé. C'est un bel été, le ciel est apaisé. C'est un bel été, à quoi bon migrer? C'est un bel été vers d'autres contrées.